Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par M. Labériche, prêtre séculier du tiers ordre de saint François, revue et augmentée d'une étude sur les monuments franciscains. Markham Dan Archive.org d'après Books Google FR et Archive.org Ambroise Bray 1859 et Bray et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Fioretti de Saint François d'Assise. Chapitre 1er. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié et de sa mère, la Vierge Marie. Ce livre contient, comme autant de petites fleurs, les miracles et les pieux exemples du glorieux petit pauvre du Christ, Saint François, et de quelques-uns de ses compagnons. À la louange de Jésus-Christ. Amen. Une considération que nous devons faire en commençant, c'est que le glorieux Saint François se trouva conforme au Christ béni, dans toutes les actions de sa vie. Le Sauveur, lorsqu'il commença le cours de ses prédications, choisit 12 apôtres, auxquels il apprit à mépriser tout ce qui tient au monde, pour le suivre ensuite dans les voies de la pauvreté et des autres vertus. Saint François, lui aussi, au commencement de la fondation de son ordre, fit choix de 12 compagnons, possesseurs de la sublime pauvreté. L'un des 12 apôtres du Christ fut réprouvé de Dieu, et mit fin à ses jours en cependant lui-même. Saint François eut aussi un de ses compagnons, frère Jean de la Chapelle, qui devint apostat, et finit par se pendre. Exemple bien frappant pour les élus, et qui doit leur inspirer des sentiments d'humilité et de crainte, lorsqu'ils verront par là que personne n'est assuré de persévérer jusqu'à la fin dans la grâce de Dieu. Les saints apôtres du Christ étonnèrent le monde par la sainteté et l'humilité de leur vie, et ils furent remplis de l'Esprit Saint, de même aussi les pieux compagnons de saint François firent éclater de si hautes vertus, que, depuis les apôtres, jamais on n'avait rencontré des exemples de sainteté et d'humilité aussi merveilleux. L'un d'eux, frère Égide, fut, comme saint Paul, ravi jusqu'au troisième ciel, un autre, frère Philippe le Long, comme autrefois le prophète Isaïe, sentit ses lèvres purifiées par le charbon de l'ange, un troisième, frère Sylvestre, comme un autre Moïse, s'entretenait familièrement avec Dieu, comme un ami avec son ami, un autre encore, le très humble frère Bernard, qui, expliquait avec tant de profondeur la Sainte Écriture, semblable à saint Jean, cet aigle de l'Évangile, s'élançait, par la subtilité de son intelligence, jusqu'à la lumière de la science divine, un autre, enfin, et c'était frère Ruffin, gentilhomme d'Assise, fut sanctifié de Dieu, et, dès son vivant, canonisé dans le ciel. Et c'est ainsi, comme nous le verrons dans la suite, que les premiers disciples de saint François se virent tous favorisés des privilèges de sainteté les plus signalés. Note. Les 12 premiers compagnons de saint François furent Bernard de Quintaval, Pierre de Catane, Égide, appelé aussi Gilles dans les anciens auteurs français, Sabatini, Moricaud, Jean de la Chapelle, Philippe le Long, Jean de Saint-Constance, Barbary, Bernard de Viridon ou Vigilance, le prêtre Sylvestre et Ange de Tancrède. Nous verrons souvent reparaître les plus connus d'entre eux. Cette note et toutes celles qui suivent sont du traducteur. Chapitre 2. Du frère Bernard de Quintaval, premier compagnon de saint François. Le premier compagnon de saint François fut frère Bernard d'Assise, qui se convertit de la manière que nous allons raconter. Saint François portait encore l'habit séculier, bien qu'il professât déjà le mépris du monde, L'abnégation et la pénitence, déjà plusieurs le regardaient comme un insensé, et il se voyait bafoué, chassé à coups de pierre, et accablé d'insultes par ses parents et par des étrangers. Mais tant d'outrages ne pouvaient ébranler sa patience, il recevait tout avec l'insensibilité d'un sourd et d'un muet. Une abnégation si constante et si héroïque frappa vivement Bernard d'Assise, citoyen remarquable par sa noblesse, sa fortune et son savoir. Il fit de sérieuses réflexions sur le genre de vie de Saint François. Il considéra que, depuis 2 ans déjà, abhorré et méprisé par tout le monde, sa patience était néanmoins demeurée inébranlable. Alors il se dit en lui-même, « Il est impossible que cet homme ne reçoive pas de Dieu de grande grâce. » Et ce soir même il invita à prendre chez lui son repas et son logement. Saint François accepta. Alors Bernard se promit dans son cœur de contempler la sainteté de son hôte. Il lui fit préparer un lit dans sa propre chambre, où une lampe brûlait toute la nuit. Mais le saint, pour cacher sa sainteté, se coucha dès qu'il fut entré, et fit semblant de dormir. Bernard en fit autant et se mit à ronfler comme un homme qui aurait dormi du plus profond sommeil. Trompé par cette ruse, Saint François, croyant que Bernard dormait réellement, quitta bientôt son lit pour se mettre en prière. Il levait les yeux et les mains au ciel, et, plein d'une sainte ferveur, il s'écriait « Mon Dieu, mon Dieu !» Il demeura ainsi prosterné jusqu'au matin, ne répétant que ses seules paroles, et il versait un torrent de larmes. Ses sentiments lui étaient inspirés par la contemplation et l'admiration de l'excellence de la Divine Majesté. Il voyait qu'elle daignait prendre pitié du monde qui périssait. Il voyait aussi que, par le moyen de son pauvre serviteur, Dieu, tout en procurant le salut de son âme, allait aussi remédier à celui de tant d'autres, et c'est pourquoi, éclairé par l'Esprit Saint qui est un esprit prophétique, entrevoyant déjà les grandes choses que Dieu devait opérer par lui et par tout son ordre, et considérant ensuite son insuffisance et son peu de vertu, il priait le Seigneur, par cette miséricorde et cette toute puissance, sans lesquelles la fragilité humaine ne peut rien, qu'il voulût bien l'aider dans l'exécution d'une œuvre qu'il se sentait incapable d'accomplir par lui-même. Cependant, voyant, à la lumière de la lampe, avec quelle dévotion priait Saint François, et prêtant une pieuse attention aux paroles qu'il prononçait, Bernard se sentit lui-même touché et pressé par l'Esprit Saint de changer de vie. Dans cette disposition, le matin, il appela son hôte et lui dit, « Frère François, je suis entièrement résolu de renoncer au monde, et je veux dès aujourd'hui suivre la voie que vous me tracerez. » Le saint, plein de joie, lui répondit, « Bernard, le dessein que vous formez est d'une grande importance, il faut consulter Dieu, le prier de nous faire connaître en cela sa volonté, et de nous inspirer les moyens de mettre ce projet en exécution. Allons donc ensemble à l'évêché, là se trouve un saint prêtre que nous prierons de dire la messe à notre intention, et, après l'avoir entendu, nous continuerons à prier jusqu'à l'heure de tierce, et nous demanderons à Dieu qu'en ouvrant 3 fois le missel, il nous découvre la voie que nous devons suivre pour lui plaire. » Bernard accepta la proposition et suivit Saint François à l'évêché, là ils entendirent la messe et se tinrent en oraison jusqu'à tierce. Alors le prêtre, à la prière du saint, prit le missel, puis, ayant fait le signe de la croix, il l'ouvrit 3 fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la première ouverture du livre, il trouva ces paroles que le Christ, dans l'Évangile, adresse au jeune homme qui lui demande la voie de la perfection, Matthieu, chapitre 19. « Si vous voulez être parfait, allez, Vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et suivez-moi. À la seconde d'ouverture, le prêtre lut ces autres paroles de Jésus-Christ aux apôtres, quand il les envoya prêcher l'Évangile. Ne portez rien en voyage, ni bâton, ni bourse, ni chaussures, ni argent. Marc, chapitre 6. Voulant leur montrer par cet avertissement qu'ils devaient mettre toute leur espérance en Dieu, et s'appliquer uniquement à la prédication de l'Évangile. Enfin, à la troisième ouverture du missel, on trouva ces paroles du Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Matthieu, chapitre 16. Alors saint François s'adressant à Bernard, « Voilà, lui dit-il, le conseil que nous donne le Christ, allez donc, pratiquez ce que vous venez d'entendre, et que béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui a daigné nous montrer sa voie évangélique. » Bernard était fort riche, cependant, dès lors, il prit la résolution de vendre tout ce qu'il possédait, et il le fit au plus tôt. Ensuite, aidé de saint François, il s'empressa de distribuer le prix de ses biens aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers, aux religieux, aux malades et aux pèlerins. Un homme, appelé Sylvestre, voyant que saint François faisait distribuer et distribuait lui-même, avec tant de libéralité, l'argent aux pauvres, s'en vint le trouver, et, pressé par la cupidité, lui dit, « Vous ne m'avez pas entièrement payé les pierres que vous m'avez achetées pour la réparation de l'église Saint-Damien, vous le savez, maintenant donc que vous avez de l'argent, payez-moi. » Saint François demeura surpris d'une telle avarice, il ne voulut cependant pas contester avec cet homme, mais, en véritable observateur de l'Évangile, il met aussitôt la main dans la bourse de Bernard, et prenant une poignée d'argent, il la donne à Sylvestre, et lui dit, « Si cela ne vous suffit pas, vous en aurez encore ?» Enchanté d'une si grande générosité, Sylvestre n'en demanda pas davantage, il retourna chez lui. Cependant, réfléchissant le soir sur ce qu'il avait fait, pensant à la ferveur de Bernard et à la sainteté de saint François, un remords secret vint le tourmenter. Trois nuits de suite il eut de Dieu cette vision, de la bouche du saint sortait une croix d'or dont le haut touchait le ciel, et les bras s'étendaient de l'Orient jusqu'à l'Occident. Touché de cette vision, Sylvestre, à son tour, donna lui-même tout ce qu'il possédait pour l'amour de Dieu, se fit frère mineur, et dans la suite sa sainteté et les grâces qu'il recevait dans l'ordre s'accrurent à un tel point, qu'il en vint à s'entretenir familièrement avec Dieu, comme un ami avec son ami. Saint François attesta lui-même plusieurs fois ce prodige, et nous aurons occasion d'en parler plus tard. Bernard, lui aussi, reçut des faveurs extraordinaires, souvent Dieu le ravissait en extase, et saint François disait de lui qu'il méritait la plus grande vénération et qu'il était le fondateur de l'ordre. C'était lui, en effet, qui, le premier, avait quitté le monde sans aucune réserve, et donné aux pauvres du Christ tout ce qu'il possédait, c'était lui qui, après avoir commencé à professer la pauvreté évangélique, s'était jeté, dépouillé de tout, entre les bras du crucifié, lequel soit à jamais béni dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 3. Comment saint François, pour se punir d'un mauvais soupçon qu'il avait eu de frère Bernard, lui commanda de lui marcher par trois fois sur la gorge et sur la bouche. Le très dévot serviteur du crucifié, saint François, par suite de ses macérations, de ses prières et de ses larmes, était devenu presque aveugle et ne voyait plus qu'à peine. Désirant un jour s'entretenir des choses de Dieu avec frère Bernard, il alla le trouver, mais il arriva dans un moment où ce frère, en prière dans le bois, était ravi en extase et intimement uni à Dieu. Le saint se dirige vers lui et l'appelle, « Venez, lui dit-il, venez vous entretenir avec le pauvre aveugle qui vous demande. » Frère Bernard, qui était un homme de haute contemplation, et dont l'âme était alors comme élevée et suspendue vers Dieu, ne répondit pas. Saint François savait bien qu'il avait la grâce singulière de communiquer avec le Sauveur, plusieurs fois il s'en était convaincu, néanmoins, comme il souhaitait vivement s'entretenir avec lui, il attend quelques instants, puis il l'appelle une seconde et une troisième fois de la même manière, mais frère Bernard, qui ne l'entendit pas encore, ne put lui répondre, ni aller le trouver. Alors saint François se retire un peu triste, s'étonnant et se plaignant en lui-même que frère Bernard, appelé trois fois par lui, ne lui, eût cependant pas répondu. Il s'éloignait dans cette pensée, un instant après, il s'arrête, et, ordonnant à son compagnon de l'attendre, il se dirige vers un lieu solitaire qui se trouvait non loin de là, et supplie Dieu de lui faire connaître la cause pour laquelle frère Bernard ne lui avait pas répondu. Il priait encore, quand tout à coup une voix divine se fit entendre, et lui dit, « Ô pauvre petit homme, de quoi donc es-tu troublé? Est-il juste de laisser Dieu pour la créature ?» Frère Bernard, quand tu l'appelais, s'entretenait avec moi, et c'est pourquoi il ne pouvait ni aller te trouver, ni te répondre, ne t'étonne donc plus de son silence, car il était alors ravi en extase, et aucune de tes paroles n'arrivait jusqu'à lui. À cette réponse de Dieu, saint François retourne promptement vers frère Bernard pour s'accuser avec humilité du mauvais soupçon qu'il avait eu de lui. Le frère, dès qu'il l'aperçoit, se dirige à sa rencontre et se jette à ses pieds, mais saint François le relève, lui raconte, avec une humilité profonde, et sa mauvaise pensée et le trouble qu'il en avait éprouvé, puis, après lui avoir rapporté la réponse qu'il avait reçue de Dieu, il ajoute « Je vous ordonne, en vertu de la sainte obéissance, d'accomplir ce que je vais vous imposer. » Frère Bernard, craignant que, dans cette circonstance, le saint ne lui prescrivît, à son ordinaire, quelque obligation très difficile à remplir, chercha poliment à s'excuser, et répondit, « Je suis prêt à obéir, mais à la condition que vous me promettrez de faire ensuite vous-même ce que je vous ordonnerai, et, sur la promesse de saint François, eh bien, maintenant, père, ajouta-t-il, que souhaitez-vous de moi ? » Et le saint lui répondit, « Voici l'ordre que je vous impose en vertu de la sainte obéissance, et pour me punir de ma présomption et de la témérité de mon cœur, je vais m'étendre à terre, et alors vous me poserez un pied sur la gorge et l'autre sur la bouche, et vous me passerez ainsi trois fois sur le corps en m'accablant de honte et de mépris, et en me disant surtout, « Reste là étendu, misérable fils de Pierre Bernardone, d'où te vient tant d'orgueil, à toi, la plus vile des créatures ?» Note. Ottavio, évêque d'Assise, rapporte que c'était pour se mépriser que saint François s'appelait le fils de Bernardone. Bernardone n'était qu'un surnom de son père, dont le véritable nom était Moriconi. Confer lumi seraphici di Porciuncula, Venise, 1701. Fin de la note. Frère Bernard éprouvait une vive répugnance à se soumettre à une telle injonction. Cependant, pressé par la sainte obéissance, il remplit, le plus convenablement qu'il lui fut possible, ce qu'il avait promis d'exécuter. Alors saint François lui dit, « Exposez maintenant ce que vous exigez de moi, car moi aussi j'ai promis d'obéir. » Frère Bernard lui dit, « Toutes les fois que nous serons ensemble, je vous ordonne, en vertu de la sainte obéissance, de me reprendre et de me corriger sévèrement de mes défauts. » Le saint fut très surpris de l'ordre qui lui était imposé, car frère Bernard était d'une si haute sainteté qu'il l'avait en grande vénération, et il le croyait entièrement irrépréhensible. C'est pourquoi, dès ce jour, il s'abstenait de demeurer longtemps avec lui, dans l'embarras où il se trouvait d'adresser aucune parole de réprimande à un homme dont il connaissait l'éminente sainteté. Et si parfois il avait le désir de le voir et de l'entendre parler de Dieu, il le quittait le plus tôt possible. Et c'était avec une grande édification que l'on admirait la charité, le respect et l'humilité de saint François, père de l'ordre, dans ses rapports avec frère Bernard, son fils premier-né. À la louange et à la gloire de Jésus-Christ et de saint François, son petit pauvre. Amen. Chapitre 4. Comment l'ange de Dieu proposa une question à frère Élie, gardien d'un couvent du Val de Spolette, et comment, sur la réponse hautaine de ce frère, il se retira et se rendit sur le chemin de Saint-Jacques où il trouva frère Bernard auquel il raconta ce qui venait de se passer. Dans les premiers temps de l'ordre, alors que les frères étaient en petit nombre et qu'ils n'étaient pas encore établis dans leur couvent, saint François eut la dévotion de faire le pèlerinage de Saint-Jacques en Galice, et il y conduisit avec lui quelques-uns de ses compagnons, parmi lesquels se trouvait frère Bernard. Comme ils étaient en chemin, le saint vit un pauvre malade dont le triste sort le toucha de compassion. Il dit à frère Bernard, « Mon fils, je vous ordonne de rester ici au service de cet infirme. » Le frère, s'agenouillant et inclinant la tête, reçut humblement l'ordre du Père Vénéré et le laissa poursuivre sa route avec ses autres compagnons. Lorsque les pèlerins furent arrivés à Saint-Jacques, une nuit qu'ils étaient en oraison dans l'église, saint François eut révélation de Dieu qu'il devait établir un grand nombre de couvents par le monde, parce que son ordre devait s'accroître, et le nombre des frères se multipliait, et dès lors, il jeta lui-même les fondements d'un de ces couvents dans le pays où il se trouvait. Reprenant ensuite le chemin par lequel il était venu, il retrouva frère Bernard et son malade, qui était alors parfaitement guéri, il promit au frère la permission d'aller, l'année suivante, au pèlerinage de Saint-Jacques, puis il poursuivit sa route pour la vallée de Spolette. C'est là qu'il demeurait, dans un lieu solitaire. Les frères Massé, Élie et les autres qui restaient avec lui, évitaient avec un grand soin de le troubler et de le détourner de ses prières, car ils avaient pour lui une extrême vénération, et ils savaient que Dieu lui révélait de grandes choses dans l'oraison. Note. Tourmenté du désir d'aller porter aux infidèles la bonne nouvelle de l'Évangile, François se rendit en Espagne avec Bernard de Quintaval et quelques autres frères, dans l'espoir de pousser de là jusqu'au Maroc. Mais cette première tentative ne réussit pas. Au moment où François se disposait à passer en Afrique, une violente maladie l'arrêta et il dut se décider à retourner en Italie. Toutefois, avant de partir, il alla trouver à Burgos, Alphonse IX de Castille, père de la Reine Blanche, et lui demanda l'autorisation d'établir son ordre dans ses états. Alphonse lui fit donner, près de Burgos, une petite église de Saint-Michel où il mit quelques frères. Puis il alla fonder un autre couvent dans la vieille Castille, Les Espagnols, toujours prêts à toute espèce de dévouement, entrèrent en foule dans l'ordre, et les couvents se multiplièrent. Fin de la note. Un jour, pendant que saint François était en prière dans le bois, un jeune homme, d'une figure agréable, et en costume de voyageur, se présente à la porte du couvent, et frappe avec tant de précipitation, si vigoureusement et pendant si longtemps, que les frères étaient tous surpris d'une manière de s'annoncer aussi extraordinaire. Frère Massé court ouvrir, et dit au jeune homme, « D'où venez-vous donc, mon fils ? À la manière dont vous frappez, il paraît bien que vous êtes étranger dans ce pays. Comment faut-il donc frapper ? Demanda le jeune homme. On frappe trois fois, répondit le frère, en laissant un petit intervalle entre chaque coup, puis on attend que le frère portier ait eu le temps de dire le Pater Noster et d'arriver. Si, après quelques instants, il ne se présente pas, alors seulement on frappe de nouveau. Je suis très pressé, répliqua le jeune étranger, et c'est pourquoi j'ai frappé si brusquement. J'ai une longue route à faire, et j'étais venu ici pour m'entretenir avec le frère François, mais je sais qu'il est maintenant en contemplation dans le bois, et je ne veux pas le distraire. Cependant, veuillez demander, à sa place, frère Élie. J'ai appris qu'il était fort savant, et je voudrais lui proposer une question. Frère Massé alla prier aussitôt frère Élie de venir trouver l'étranger, mais le frère reçut mal cette invitation et refusa de s'y rendre. Ce refus embarrassa fort frère Massé, il ne savait que faire, ni que répondre. Dire au jeune homme que frère Élie ne pouvait venir le trouver, c'était mentir, lui rapporter que ce frère refusait de le voir, c'était s'exposer à donner un mauvais exemple. Pendant que frère Massé pensait ainsi à ce qu'il aurait à répondre, l'étranger, impatienté, frappe de nouveau et comme la première fois. Aussitôt le frère se hâte de revenir vers lui. « Jeune homme, lui dit-il, vous avez oublié ma recommandation. Je sais le refus de frère Élie, répondit l'étranger, allez donc, et dites à frère François que je suis venu pour lui parler, mais que, ne voulant pas le détourner de son oraison, je le prie de m'envoyer frère Élie. » Frère Massé obéit se rendit vers le saint, qui, les yeux levés vers le ciel, se tenait alors en prière dans le bois, il lui fit part de la commission du jeune homme et de la réponse de frère Élie. Or, le jeune étranger qui se présentait au couvent était un ange de Dieu, sous une forme humaine. Saint François reçut frère Massé sans quitter l'endroit où il était en oraison, sans changer d'attitude, il lui dit seulement, retournez au couvent, et dit à frère Élie d'aller sur le champ, en vertu de la sainte obéissance, trouver l'étranger qui le demande. Sur cet ordre du saint, frère Élie, mécontent, se rend cependant à la porte, l'ouvre brusquement et avec bruit, que, me voulez-vous donc ? Dit-il au jeune homme. Frère, répondit celui-ci, prenez garde à l'émotion qui trouble maintenant votre esprit, car la colère entrave l'âme et l'empêche de discerner la vérité. Exposez-moi donc, reprit frère Élie avec impatience, ce que vous désirez de moi. Je vous demanderai, dit le jeune homme, si ceux qui font profession d'observer l'Évangile ne peuvent pas manger de ce qu'on leur présente, comme Jésus-Christ l'a marqué, et si quelqu'un peut prescrire le contraire légitimement. Frère Élie répondit avec fierté, « Je sais tout cela, mais je n'ai pas de réponse à vous faire, passez votre chemin. » « Eh bien, répliqua l'étranger, Sachez que je puis mieux que vous résoudre cette question. Ces paroles choquèrent frère Élie, il poussa la porte avec colère et se retira. Cependant, lorsqu'il fut tranquille dans sa cellule, il fit réflexion sur ce qui venait de se passer et sur ce qu'il y aurait de solide à répondre à la question qui lui avait été faite, et il hésitait en lui-même, ne sachant comment la résoudre. Il faut savoir que frère Élie était alors vicaire de l'ordre, lui-même avait ordonné régler, en dehors de l'esprit de l'évangile et de la règle de saint François, qu'aucun frère, dans l'ordre, ne pourrait manger de viande. Et c'est ainsi que la question proposée se dirigeait directement contre lui. Se trouvant dans cet embarras, et pensant d'ailleurs à la modestie du jeune homme et à la réponse qu'il lui avait faite, qu'il pourrait mieux que lui résoudre la question, frère Élie se hâte de retourner à la porte, l'ouvre et cherche l'étranger. Mais il avait disparu, car la fierté du frère l'avait rebuté, et il le trouvait indigne de s'entretenir avec un ange. En ce moment, saint François, à qui tout avait été révélé de Dieu, revint du bois, et reprit sévèrement frère Élie de sa conduite à l'égard du jeune étranger. « Vous avez commis une grande faute, lui dit-il, celui que vous venez de chasser de notre demeure, c'était un ange qui venait nous éclairer. Je vous le dis, frère Élie, je tremble que votre orgueil ne soit cause que vous mourrez hors de l'ordre. » Cette prédiction se réalisa, le frère n'était plus mineur quand il mourut. Note. Il paraît que les écrivains qui ont parlé de frère Élie, l'ont jugé avec trop de sévérité. Monsieur Chavin de Malan a essayé de rétablir historiquement la vérité des faits. Voyez son histoire de saint François, page 279 et suivante, chapitre 13. Fin de la note. Au jour et à l'heure même où il quitta frère Élie, l'ange, sous le même costume de voyageur, apparut à frère Bernard, qui revenait alors de Saint-Jacques, et qui était arrêté sur le bord d'une grande rivière. Il l'aborde et le salue, en sa langue, par ses paroles, « Dieu vous donne la paix, bon frère. » Surpris de cette apparition, émerveillé de la beauté de l'étranger, étonné de l'entendre parler la langue de son pays, ravi de la salutation qui lui était adressée d'une façon si aimable, frère Bernard dit à l'inconnu, « D'où venez-vous donc, bon jeune homme ?»« Je viens du couvent où demeure Saint-François, » répondit l'ange, « j'y suis allé dans l'intention de m'entretenir avec lui, mais il était alors dans le bois, occupé à la contemplation des choses divines, et je n'ai pas voulu l'en détourner. Au même couvent se trouvent maintenant frère Massé, frère Égide, et frère Élie. Frère Massé m'a appris la manière dont on doit frapper pour s'annoncer, mais frère Élie a refusé de répondre à une question que je lui ai proposée, puis, il s'en est repenti, il a voulu m'entendre et me voir, mais il était trop tard. » L'ange dit ensuite à frère Bernard, « Pourquoi donc ne traversez-vous pas la rivière ? L'eau est profonde en cet endroit, répondit le frère, et je crains de m'exposer. Passons donc ensemble, reprit l'ange, et aussitôt, lui prenant la main, il le dépose, en un clin d'œil, sur l'autre bord de la rivière. Alors frère Bernard reconnut que c'était l'ange de Dieu, et, plein de respect et de joie, il lui dit, « Ange béni de Dieu, dites-moi quel est votre nom ? Pourquoi me faire cette question ? Mon nom, répondit l'ange, il est merveilleux. » À ces mots, il disparut, laissant dans le cœur de Bernard une si grande abondance de consolation que, pendant tout son voyage, il se sentit inondé de joie. Le frère remarqua le jour et l'heure de l'apparition de l'ange, et lorsqu'il fut de retour au couvent, où se trouvaient saint François et ses compagnons, il leur en raconta tous les détails, et l'on reconnut évidemment que le même ange, le même jour et à la même heure, avait apparu successivement à frère Bernard et aux deux autres compagnons de saint François. Chapitre 5. Comment le saint frère Bernard d'Assise fut envoyé par saint François à Bologne, où il fonda un couvent. Saint François et ses compagnons étaient appelés et choisis de Dieu pour manifester la croix de Jésus-Christ par l'Esprit qui les animait, ainsi que par leurs œuvres et leurs paroles. Aussi se montraient-ils des hommes crucifiés dans leurs vêtements, dans leur vie austère, dans leurs démarches et dans toutes leurs actions. Animés de cet esprit de pénitence, ils préféraient la honte et l'opprobre supportés pour l'amour du Christ, à l'honneur du monde, au respect et aux louanges des hommes. Ils portaient même la perfection jusqu'à se réjouir des injures et à s'attrister des honneurs qui leur étaient rendus. Ils s'en allaient par le monde comme des pèlerins et des étrangers, ne portant avec eux que le Christ crucifié, et comme ils appartenaient à la véritable vigne, à Jésus-Christ, ils produisaient d'abondants et d'heureux fruits dans les âmes qu'ils gagnaient à Dieu. Son ordre ne faisait encore que de commencer, lorsqu'un jour saint François envoya frère Bernard à Bologne pour que, selon la grâce qui lui avait été donnée, il procura à Dieu quelques fruits spirituels. À cet ordre du Père, frère Bernard fit le signe de la croix, et, en vertu de la sainte obéissance, il partit aussitôt pour Bologne. Lorsqu'il y arriva, à la vue de son habit usé et grossier, les enfants se mirent à l'accabler de railleries et d'injures et le traitèrent comme un fou. Mais frère Bernard supportait tout avec patience et avec joie pour l'amour du Christ, et même, pour s'exposer à essuyer encore plus de moqueries, il alla s'asseoir sur la place de la ville. Aussitôt une foule de personnes accourt autour de lui, on lui tire son capuchon de tous côtés, on le couvre de poussière, on lui jette des pierres, on le pousse et on le repousse. Au milieu de tant d'insultes, le frère demeure calme et patient, son visage est gai, pas le moindre murmure ne sort de sa bouche, et, loin de chercher à se dérober aux persécutions, plusieurs jours encore il revient s'y exposer sur la place. La patience est une œuvre de perfection, c'est une preuve de vertu dans celui qui la possède. Témoin de la constance et du courage avec lequel frère Bernard avait supporté, pendant plusieurs jours et sans se plaindre, tant d'importunités, un savant docteur Eslois se dit à lui-même, « Il est impossible que cet homme ne soit pas un saint. » Et s'approchant de lui, « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il, « Et dans quelle intention êtes-vous venu ici ?» Pour toute réponse, le frère porte la main sur son cœur, en tire la règle de saint François et la présente au docteur. Dès que celui-ci en eut fait la lecture, frappé du haut état de perfection qu'elle prescrit, il dit à ceux qui l'accompagnaient, « Je vous avoue que je n'ai jamais rien vu de si parfait et de si élevé que ce genre de vie. Ceux qui maltraitent cet homme-là sont bien coupables. Il faudrait plutôt le combler d'honneur, comme un grand ami de Dieu. » Puis, s'adressant à frère Bernard, il lui dit, « Si vous souhaitez fonder ici un couvent où vous puissiez librement vous appliquer au service de Dieu, c'est de bon cœur que, pour le salut de mon âme, je suis prêt à vous procurer le logement. » « Docteur, répondit frère Bernard, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, je le crois, qui vous a inspiré lui-même cette généreuse résolution, j'accepte donc volontiers votre proposition pour l'honneur du Christ. » Alors le jurisconsulte conduisit le frère à sa maison, plein de joie et de charité, puis il lui procura le logement qu'il lui avait promis, le disposa, le meubla à ses frais, et dès lors, lui-même devint le père et le premier défenseur de frère Bernard et de ses compagnons. Le frère, de son côté, par la sainteté qui respirait dans ses entretiens, commença à recevoir des témoignages d'honneur de la part des habitants de Bologne. On s'estimait heureux de pouvoir le toucher, ou seulement de le voir. Mais comme il était un véritable disciple du Christ et de Saint François, craignant que les honneurs du monde ne fussent un obstacle à la paix et au salut de son âme, il retourna vers son Saint-Père et lui dit « Père, un couvent est fondé dans la ville de Bologne, envoyez-y des frères qui le soutiennent et qui s'y fixent, car, pour moi, je n'ose plus espérer d'y faire aucun fruit, et il est même à craindre que je m'y perde à cause des grands honneurs que j'y reçois. » Or, Saint François, apprenant tout ce qui s'était passé, le bien que Dieu s'était procuré par le moyen de frère Bernard, rendit grâce à la divine bonté qui commençait à donner accroissement aux pauvres disciples de la croix. Puis, il envoya à Bologne et en Lombardie quelques-uns de ses compagnons qui établirent plusieurs couvents en divers endroits de ces contrées. Chapitre 6. De la manière dont Saint François bénit le Saint frère Bernard, et comment il le laissa son vicaire au moment de sa mort. L'éminente sainteté de frère Bernard inspirait à Saint François un profond respect, qu'il lui témoignait souvent par les éloges qu'il lui adressait. Un jour, Dieu lui révéla, pendant qu'il était en prière, que ce frère, par une permission divine, devait soutenir de longs et fréquents assauts de la part des démons. Touché de compassion pour celui qu'il aimait comme son fils, dès lors le saint, pendant plusieurs jours, fit à Dieu pour lui de ferventes prières, et il demandait à Jésus-Christ, avec larmes, qu'il voulût bien lui donner victoire sur l'esprit mauvais. Un jour qu'il priait ainsi, une voix divine lui fit entendre ces paroles, « François, ne crains pas, toutes les tentations que doit éprouver frère Bernard sont permises de Dieu pour exercer sa vertu et couronner ses mérites. Il finira par triompher de tous ses ennemis, car il est un des prédestinés au royaume des cieux. » Cette réponse remplit le saint d'une grande joie, et dès ce moment, il eut pour frère Bernard un attachement encore plus vif et une vénération plus profonde. Il lui en donna des preuves pendant sa vie et même après sa mort. Se sentant prêt de terminer sa carrière, voyant, comme un autre saint patriarche Jacob, ses enfants dévoués entouraient son lit, baignés de larmes et accablés de tristesse, à la pensée du Père tendrement aimé qui allait les quitter, le saint demanda, « Où est mon fils premier-né ? Venez, mon fils, que mon âme vous bénisse avant de quitter la terre. » Frère Bernard, n'osant croire que c'était à lui que ces paroles s'adressaient, dit tout bas à frère Élie, vicaire de l'ordre, « Père, présentez-vous à la droite du saint pour qu'il vous bénisse. » Et frère Élie s'étant approché, Saint François, qui avait perdu la vue à force de pleurer, posa la main droite sur sa tête, et dit, « Cette tête n'est pas celle de mon fils premier-né. » Alors frère Bernard se présentant à la gauche du saint, celui-ci étendit les bras en forme de croix, puis, posant la main droite sur la tête de frère Bernard et la gauche sur celle de frère Élie, il dit au premier, « Que Dieu le Père répande sur vous, par la vertu du Christ, ses bénédictions spirituelles et célestes, vous êtes le premier-né, le premier élu de ce saint ordre. C'était à vous à donner l'exemple et à suivre le premier Jésus-Christ dans sa pauvreté évangélique. Aussi, Non seulement vous avez donné libéralement et sans réserve, pour son amour, tout ce que vous possédiez, mais vous-même, vous vous êtes offert à Dieu, dans cet ordre, en sacrifice agréable. Daigne donc notre Seigneur Jésus-Christ vous combler de ses éternelles bénédictions, recevez aussi celles de son pauvre petit serviteur, et que toutes, elles vous accompagnent partout et toujours. Que celui qui vous bénira soit lui-même rempli de bénédictions, et que celui qui vous aura maudit n'échappe jamais au châtiment. Soyez le premier parmi vos frères, et que tous vous obéissent. Recevez le pouvoir d'admettre dans l'ordre ceux que vous en jugerez dignes, qu'aucun frère n'ait la supériorité sur vous, et qu'il vous soit permis d'aller ou de demeurer partout où il vous plaira. Les frères n'oublièrent pas ces paroles de saint François. Après sa mort, ils aimèrent et respectèrent frère Bernard comme leur vénérable père. Lorsqu'il fut lui-même sur le point de mourir, une foule d'entre eux se rendit à son couvent, et du nombre se trouvait le divin frère Égide. Dès qu'il aperçut frère Bernard, ce bon frère s'écria, plein d'allégresse, sur somme corda, frère Bernard, sur somme corda. Aussitôt frère Bernard ordonna à l'un des religieux qui se trouvait près de lui de disposer, pour frère Égide, un endroit propre à la contemplation, et il fut obéi. Lorsqu'il vit approcher sa dernière heure, il se leva, et, se faisant soutenir par quelques-uns des frères, il dit à ceux qui l'entouraient, « Ô mes bien-aimés frères, je n'aurai pas la force de vous parler longtemps, considérez seulement que cet état de religion dans lequel j'ai vécu, vous y vivez aussi, et que ce bonheur que je ressens maintenant, vous aussi vous pouvez l'éprouver. Oui, mon âme est si heureuse en ce moment, que je ne voudrais pas, au prix de 1000 montes comme celui où nous vivons, avoir servi un autre maître que notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant je m'accuse, en présence du Sauveur Jésus et devant vous, de toutes les fautes que je pourrais avoir commises. Ô mes très chers frères, je vous en conjure, aimez-vous les uns les autres. » Après ces paroles et quelques autres pieuses exhortations, frère Bernard se fit replacer sur son lit. Alors son visage devint si resplendissant et rayonnant d'une joie si vive, que tous les frères en étaient dans l'admiration. C'est dans l'ivresse de cette félicité que la très sainte âme de frère Bernard passa, couronnée de gloire, de la vie présente à la vie bienheureuse des anges.